Chapitre 10e. Le lendemain, à naissance du jour, deux jeunes gens se rencontrèrent à quelque distance du château, non loin de la route qui conduisait, au milieu de la vallée, dans un endroit solitaire qu'un bouquet d'arbres dérobait aux yeux du passant jusqu'à ce qu'il fût arrivé. Cette place était parfaitement choisie pour un duel ou pour un assassinat. C'était celle qu'avaient choisie Arthur Derby et Georges de Bolaine pour vider sans témoin leur querelle de Westminster. Il était 6 heures précises du matin. L'Angélus sonnait à l'église du village lorsqu'ils se rencontrèrent sur ce terrain. Arthur avait espéré que, tandis qu'il tuerait son adversaire ou qu'il mourrait de sa main en cet endroit écarté, Wellesley pourrait s'échapper plus facilement. Georges, de son côté, était heureux de se mesurer avec son ennemi, avec le page le plus aimé du cardinal, avec celui qui représentait à lui seul toute l'insolence de sa maison. Voilà pourquoi, sur l'invitation d'Arthur, il avait abandonné pour quelques instants, pensait-il, le poste qui lui avait été confié auprès du prisonnier d'État. Le jeune officier du roi portait le brillant costume militaire de l'époque, un juste corps de soie cramoisi, taillé à la mode de Flandre, doublé de satin noir, orné de filets d'or, et sur lequel retombait un grand collet de dentelle. Arthur, au contraire, avait gardé l'habit de prêtre qu'il portait la veille, pour se dérober plus facilement après le combat aux poursuites des soldats qui gardaient le château. C'était une veste de laine brune à longs pans, serrée par une ceinture de cuir et un simple mouchoir rouge et noir noué au cou. Ils étaient bien beaux tous deux, et malgré la différence de ces costumes, ils rivalisaient de grâce et de noblesse. Tous deux avaient mis l'épée à la main et se mesuraient des yeux. « Quelle recherche de toilette !» s'écria ironiquement Sir Arthur, « et quelle grâce attirait l'épée !» N'est-elle humeur un peu trop martiale, vous auriez l'air, Sir George, d'ouvrir un balai. En ce cas, ce serait sans doute celui d'Apollon et le berger, répondit sur le même ton le jeune officier de cour. Vous semblez en effet fouler à peine l'herbe sous vos pas. Ce que vous pourrez avoir besoin de simple pour panser vos blessures. Après cet échange de paroles, les épées se croisèrent avec une impétuosité que l'adresse égale des deux combattants rendit longtemps inutile. Fatigués, ils s'arrêtèrent quelques instants après le premier choc. Georges de Bolaine s'adossa au tronc d'un chêne, planta son épée en terre à côté de lui et essuya quelques gouttes de sang qui coulaient d'une légère blessure à la main. Derby était resté debout à sa place, ayant l'air de laisser reposer son adversaire plutôt que de se reposer lui-même. « Vos coups ne sont pas bien assurés, » dit Georges en regardant le peu de sang qui avait rougi son mouchoir. « Il paraît, beau berger d'Arcadie, que votre main s'est un peu engourdie à tenir la houlette en gardant les troupeaux de cette colline. J'aime mieux y être pâtre que geôlier. Il paraît même que ce dernier métier ne perfectionne guère mieux que l'autre dans celui des armes, car je n'ai pas même reçu de vous une simple égratignure. Il serait pourtant dommage que cet habit rustique qui vous met si fort en gaieté fût percé par votre épée que de voir la mienne déchirer le satin du vôtre. Soyez sans regret de ceci. Henri donne à ses fidèles défenseurs des habits sur lesquels le sang ne tache pas. On ne peut en effet se montrer qu'en rouge auprès du roi, lorsqu'on est achevé, lorsqu'on est sans balai de cœur. Le frère d'Anne de Bolaine pâlit, et pour toute réponse, remit l'épée à la main. Le combat fut plus vif, plus acharné qu'auparavant. Enfin, Georges tomba mortellement frappé. Arthur se pencha vers lui pour juger de la gravité de la blessure. En ce moment, une vive rumeur se fit entendre du côté du château. Les commandements passèrent de bouche en bouche et l'on entendit un cliquetis de fer annonçant que la troupe se mettait sous les armes. « Entends-tu ce bruit qui nous vient du château ?» dit Derby à son adversaire défaillant. « La troupe est en alerte et court aux armes. Il est 6h30. C'est qu'à ce moment le cardinal Wellesley, ton prisonnier, s'est sauvé parce que tu as quitté ton poste. Georges de Bolaine, tu meurs déshonoré. » Après avoir jeté au mourant ces mots plus cruels que le fer de son épée, Arthur s'éloigna précipitamment. Ce n'était pas l'évasion du cardinal qui causait cette rumeur subite. Wellesley, comme nous l'avons dit, avait alors trop d'espoir pour recourir à cette extrémité. Mais une estafette venait d'annoncer que le roi approchait du château et le poste se rangeait d'avance sous les armes pour recevoir sa majesté. Henri VIII arrivait, accompagné seulement de 2 écuyers. Il voulait interroger son ancien favori et se faire par lui-même une opinion sur les crimes qu'on lui reprochait. Ces démarches décisives n'avaient pas été dictées au roi par la bienveillance ou par le regret. Il en coûtait sans doute à son cœur d'avoir été trompé par un ami, mais il en coûtait surtout à sa vanité d'avoir été joué par un serviteur. En approchant d'Achère sur le bord de cette route de sable fin, frangée de bruyères roses, Henri aperçut tout à coup à droite, dans l'ombre projetée sur le sol par un chêne, quelque chose d'éclatant comme des fragments d'étoffe rouge. Il envoie l'un de ses compagnons à la découverte, apprend qu'un cadavre est là, met pied à terre, s'approche et pousse un cri d'horreur et de désespoir. C'est son officier des gardes, c'est son favori, c'est le frère d'Anna de Bolène. Le cardinal seul, pense-t-il, a pu le faire assassiner. C'est une vengeance du prisonnier contre l'officier préposé à sa garde. C'est pire, c'est une vengeance du ministre disgracié contre la femme à l'influence de laquelle il attribue sa disgrâce. Henri, tout entier à ses horribles soupçons, prend la main du jeune frère d'armes, jure de le venger d'une manière éclatante, remonte à cheval et rebrousse chemin, tandis qu'un de ses officiers se rend seul au château pour faire relever le cadavre et aussi pour dire au cardinal que son roi ne viendra pas le visiter, qu'il ne le reverra jamais et l'abandonne sans merci, dès ce moment, à la juridiction de la chambre étoilée, où il sera jugé comme traître, comme rebelle, comme assassin. Wolsey ne fut point accablé par ce nouveau coup. Le courage de l'adversité avait déjà remplacé chez lui celui de la fortune. Il se souvint alors de l'avis qu'il avait reçu d'Arthur d'Orby et songea à en profiter. Comme les nouvelles dispositions du roi à son égard n'étaient pas encore connues, sa garde n'était point encore renforcée. Sœur Paulette avait, dans son dépit, quitté le château dès la veille au soir, et ceux des surveillants qui étaient restés traitaient le cardinal en homme qui, le lendemain, aurait pu se venger des rigueurs de la veille. Il avait à sa disposition de l'or, des bijoux, des pierreries. Il gagna facilement les deux gardes placés dans son antichambre, puis un escalier dérobé qui n'était connu que de lui. Il traversa le jardin et atteignit bientôt la campagne. Un pâtre l'attendait à l'endroit convenu, derrière un rideau de peupliers. Une voiture était préparée non loin de là. Tous deux y montèrent. Ce pâtre n'était autre que le jeune Derby. Son dévouement venait de perdre son maître, mais son dévouement le sauvait.